Monsieur Tarve, le chien de garde, par Frédéric Mauzins. Chapitre 1er. Qui a sonné ? Dans sa petite salle à manger carrelée de rouge, Monsieur Tarve déjeunait. Une revue allemande était appuyée contre la carafe d'eau, et le professeur lisait, oubliant le morceau de veau à la casserole en train de refroidir sur son assiette. Xavier Tarve était grand et mince. Une redingote noire serrait ses épaules étroites, du faux col trop large sortait un long cou. La figure, entièrement rasée, était maigre, d'expression austère, à peine animée par deux yeux gris. Le front, droit et haut, semblait encore agrandi par la rareté des cheveux grisonnants. Une clochette carillonna avec violence dans l'antichambre. Un instant après, la porte de la salle à manger s'ouvrait, et une vieille femme à coiffe nantaise entrait. Elle posa une carte de visite sur la nappe. Le professeur ne bougea point. « Monsieur, » fit la femme. « Quoi ?» sursauta M. Tarve. La Nantaise montra la carte de visite. « Raoul Letellier, licencié en droit, » lut M. Tarve. « Qui a apporté cela ?»« Un monsieur. »« Quand ?»« Mais maintenant ? Vous ne l'avez pas entendu sonner ?»« Non. »« Eh bien, il a pourtant fait assez de bruit. Le cordon aurait pu lui rester dans la main. Faites-le entrer dans mon cabinet. » M. Tarve se levait. « Il faut que vous déjeuniez, » dit avec autorité la vieille. « Vous n'avez rien pris depuis hier soir, et seriez bien capable de vous sauver encore à jeun. » « Recevez ce monsieur ici. » Le professeur se rassit. La Nantaise introduisit un jeune homme à qui des yeux bleus trop doux et des pommettes trop rouges faisaient une figure poupine malgré sa barbe blonde. La vieille domestique avança une chaise, puis sortit, en jetant un regard sévère à l'assiette de son maître. Celui-ci, après avoir répondu d'un mouvement de la tête au salut du jeune homme, se remit à manger. Chapitre 2e. Étranglé par son chien. « Monsieur, » dit le visiteur d'une voix mal assurée, « voici ce qui m'amène. »« Allez, j'écoute, » dit le professeur. « Mon oncle est mort cette nuit, dans des circonstances extraordinaires. » M. Tarve ferma la revue allemande, la posa et répéta, « J'écoute. » »« Il a été étranglé par son chien, notre chien. On n'y comprend rien. » Depuis 10 heures du matin, les magistrats et le chef de la sûreté piétinent dans le jardin sans trouver aucun indice permettant une hypothèse, je ne dis pas satisfaisante, mais au moins vraisemblable. Pourquoi la justice est-elle intervenue ? Vous allez voir, je... Le professeur interrompit. Dites-moi qui vous êtes, qui était votre oncle, comment les choses se sont passées, du moins à votre connaissance, et ce que vous y voyez d'extraordinaire. Soyez calme, autant que possible, et précis. Oui, monsieur, voici. Je m'appelle Raoul Letellier. Je suis âgé de 24 ans, je n'ai plus... Le jeune homme se reprit. « Je n'avais plus d'autres parents que mon oncle. Je prépare mon doctorat à la faculté de droit. » « Mon oncle avait 70 ans. Il vivait de ses rentes. Nous habitions ensemble à Neuilly, boulevard Pinault, numéro 128, la deuxième villa de droite avant d'arriver au pont. Mon oncle, souffrant de rhumatisme, restait toujours à la maison, et moi je ne sortais que pour me rendre à la faculté ou de temps en temps chez un ami dans le quartier de l'Étoile. Nous ne recevions personne. » Nous avions depuis 5 ans, comme domestique à tout faire, un certain Antoine Courcial, qui arrivait le matin à 8 heures et s'en allait à 8 heures du soir. Mon oncle aimait beaucoup le service de cet homme, habitué à ses petites manies, et de plus, si adroit qu'il faisait dans la villa toutes sortes de menus travaux, tels que pose de carreaux de vitre ou installation de sonnettes. Aussi l'avions-nous gardé après son mariage. Ne voulant pas chez nous d'une famille, nous avions décidé que le nouveau ménage s'installerait à Courbevoie, rue Saint-Denis, où Courcial rentrerait une fois sa journée finie. Mon oncle, ayant peur des voleurs, avait acheté, il y a 2 mois, un chien du Saint-Bernard, nommé Négro. Durant le jour, Négro restait enchaîné dans une niche à l'entrée du jardin. Chapitre 3e. Double mystère. Hier, 21 mai, à 7 heures du soir, je suis sorti. J'allais dîner chez un ami. Courcial partit, suivant son habitude, à 8 heures. Mon oncle avait refusé de manger. Il se sentait un peu souffrant, mais pour ne pas m'inquiéter, il n'avait rien dit devant moi de ce léger malaise et de cette intention de faire la diète. À 10 heures, je rentrais. Je détachais Négro, puis allais me mettre au lit, sans frapper à la porte de la chambre de mon oncle, très probablement endormi. Ce matin, à 6h30, j'ouvris ma fenêtre, qui est sur le devant de la villa, et vis, sortant d'un massif de rhododendrons, 2 pieds. Je descendis en hâte et trouvai, presque complètement caché sous les arbustes, le corps du vieillard. Son cou était ensanglanté par une morsure profonde, ses mains se crispaient chacune sur une touffe de poils noirs. À mes cris, des passants s'arrêtèrent à la grille. Ce furent eux qui transportèrent la victime dans sa chambre. Là, j'ouvris l'armoire du vieillard pour y prendre de quoi garnir la bourse de ces gens que j'allais dépêcher, en voiture, au médecin, au commissaire de police, à mon ami du quartier de l'Étoile. Les 4 350 francs qui étaient la veille encore à 7 heures du soir, entre deux piles de chemises, avaient disparu. La vieille bonne apportait une laitue cuite, servait M. Tarbes et s'en allait. Le professeur continuait à manger, machinalement, sans s'apercevoir que des feuilles vertes avaient remplacé la tranche de viande dorée. Il y eut un moment de silence. « Votre oncle, dit enfin M. Tarbes, a donc été étranglé par son chien et volé par quelqu'un sachant où était son argent ?»« Oui. » »« Ce trépas et ce délit sont deux faits extraordinaires. Or, on ne peut admettre que la même nuit, sous le même toit, une même personne soit victime de deux faits extraordinaires, sans qu'il y ait un rapport entre ceux-ci, surtout l'un étant un vol et l'autre une mort violente, chose qui s'accompagne souvent. Oui. Seulement, continua le professeur en mastiquant avec force un morceau de fil qui servait à attacher la laitue, seulement cette fois, le vol et la mort violente ne s'expliquent pas l'un par l'autre, au contraire. Il toussa, puis respira. Le morceau de fil était avalé. En effet, reprit-il, d'ordinaire, celui qui tue et celui qui vole, ou ne font qu'un, ou se sont entendus. Or, le chien qui a tué n'a évidemment pas volé, il ne s'était pas non plus entendu avec le voleur. Voilà sans doute ce qui déroute la justice. Cela la déroute complètement, dit le jeune homme. Magistrats et policiers sont bouche bée, c'est pourquoi je suis venu vous trouver. Une bête ne donne pas la mort pour prendre ou faire pendre de l'argent, poursuivit M. Tarbes. Votre chien a tué pour tuer. Et quelqu'un en a profité pour voler, évidemment. Le professeur se versa un verre d'eau, but, et faisant pivoter sa chaise, fixa Raoul Le Tellier. Mais, continua-t-il, tuer suppose la haine, et d'ordinaire les chiens ne haïssent pas leur maître. Négro faisait-il exception à la règle? Nullement, il aimait beaucoup mon oncle. Bien. D'autre part, pour profiter de la mort de celui-ci, il fallait que le voleur la connût. Et le voleur ne pouvait savoir que le propriétaire de la villa numéro 128 du boulevard Binot venait d'être étranglé par son chien. Donc, nous savons que la mort est le fait d'un animal et le vol celui d'un être humain. Mais nous ne comprenons ni cette mort, ni ce vol. Chapitre 4. Les moindres détails du drame sont inexplicables. Après une pause, le professeur reprit. Arrivons aux détails. Peut-être feront-ils la lumière. Voyons. Quelqu'un savait-il que votre oncle cachait de l'argent dans ses chemises? Oui, monsieur. Qui? Moi et Courcial. Vous seul? Nous seuls, j'en suis sûr. Bien. Courcial a quitté, m'avez-vous dit, la villa à 8 heures. À 8 heures. Vous en êtes sûr? Et sûr également qu'il n'est pas revenu. En effet. Il dit avoir dîné chez des amis, petit commerce honorable, et passé toute la nuit avec eux à un bal de société. Et c'est là un alibi trop facile à vérifier pour qu'on l'invoque faussement. Bien. Seulement, reprit le jeune homme. Si mon oncle a été étranglé avant 8 heures. Si nous admettons cela, répliqua M. Tarbes, l'unique hypothèse expliquant tant bien que mal l'acte du Saint-Bernard, l'hypothèse d'une méprise, devient insoutenable. Nous devons supposer en effet, faute de mieux, que Négro n'a pas reconnu son maître. Mais il n'en pouvait être ainsi que la nuit, et à 8 heures, à la fin du mois de mai, on y voit encore. D'ailleurs, s'écria Raoul Le Tellier, c'est à 10 heures seulement, en rentrant, que j'ai lâché Négro. Et il était certainement resté attaché dans sa niche jusqu'alors. La chaîne est rivée d'un bout à la niche, de l'autre au collier, et pour mettre la bête en liberté, il faut ouvrir celui-ci, qui est fermé par un cadenas dont le secret n'est connu que de moi seul. Parfait. Négro n'a pas étranglé M. Le Tellier avant 10 heures. Cela est établi. Encore une question. Votre oncle avait-il l'habitude de se promener après 10 heures du soir dans le jardin? Non, monsieur. Pas même dans la maison. Passé 10 heures, il ne sortait jamais de sa chambre. Ainsi, sa présence la nuit dans le jardin est un dernier détail aussi inexplicable que les autres. Les détails de l'affaire, au lieu de l'éclairer, l'obscurcissent encore. Il faut que j'aille là-bas. M. Tarbes se levait et appuyait sur un timbre. La bonne parut. Pauline, je vais à Neuilly. La vieille femme inspecta son maître des pieds à la tête. Sans cet examen, qu'elle lui faisait subir chaque fois qu'il sortait, le distrait professeur serait plus d'une fois parti avec sa cravate à l'envers ou son gilet déboutonné. Puis elle alla chercher un haut de forme assez terne et un robuste parapluie de coton. M. Tarbes était prêt. Les deux hommes, escortés jusqu'à la porte de l'appartement par la Nantaise, descendirent un escalier sans tapis que trop de scie rendait terriblement glissant et se trouvèrent dans la rue de Vaugirard. Un taximètre automobile l'attendait. Raoul Letellier fit monter le professeur, jeta l'adresse au chauffeur et la voiture démarra brusquement. Chapitre 5e. La vie d'un penseur. Xavier Tarbes était fils unique de Petit Mercier de Nantes. Boursier au lycée de sa ville natale, il s'était montré étonnamment studieux et intelligent, en même temps que très renfermé. Jamais il n'avait joué pendant les récréations. Tous les premiers prix de sa classe étaient pour lui. À 16 ans, en philosophie, au concours général, il obtint la deuxième place pour la composition de dissertation. Le jeune lauréat se prépara aux examens de l'école normale supérieure et fut reçu second. Il avait enfin les maîtres qui lui manquaient en province. À la licence, puis à l'agrégation, il battit de plusieurs longueurs tous les candidats. On garde encore, dans l'université, le souvenir de son dernier examen où, à l'oral, il tint tête à un célèbre membre de l'Institut et le confondit. Très froid, il discutait avec une précision merveilleuse et lorsqu'il s'agissait de psychologie, sa finesse égalait sa logique. Il était déjà célèbre dans le monde de l'enseignement quand on le nomma professeur au lycée de Versailles. Un ouvrage, son premier, et qui d'ailleurs est aujourd'hui classique, « Les rêves et l'autosuggestion », acheva de le classer. On l'envoya au lycée Condorcet. À Paris, comme à Versailles, il fit l'admiration de ceux qui goûtaient sa subtilité et la joie de ceux, en plus grand nombre, que réjouissait l'originalité de ses manières et ses continuelles distractions. Des années passèrent. De temps en temps, Xavier Tarbes publiait un nouveau livre qui avait immédiatement l'honneur d'être traduit en plusieurs langues. Mais il était toujours professeur au même lycée. De goût très modeste, ayant horreur des protections ou des intrigues, il laissait à d'autres les chaires de la Sorbonne et du Collège de France. Il n'était même pas décoré. Chapitre 6e. Extraordinaire pénétration. Un jour, au milieu de son cours, traitant une question de psychologie, il fut amené à parler d'un crime qui passionnait l'opinion. Il critiqua l'instruction de l'affaire, fit voir que le juge ne s'était pas toujours distingué par une parfaite connaissance du cœur humain, et signala le point faible de plusieurs de ses raisonnements. Il démontra que, contrairement à l'opinion du magistrat, le coupable devait avoir des complices. Enfin, il précisa et il indiqua de quel côté la justice devait chercher ceux-ci. Vinrent les assises. Les débats révélèrent soudain, en coup de théâtre, cette complicité que M. Tarbes avait établie avec le seul secours de la logique et de la psychologie. Cela fit du bruit à Condorcet et arriva aux oreilles des journalistes. Le philosophe fut interviewé. Le ministère de l'Instruction publique s'émut. Le grand maître de l'université fit appeler son subordonné. Il le blâma de s'être exprimé trop librement sur le compte d'un honorable fonctionnaire dépendant du ministère de la Justice et le pria de ne plus exercer publiquement son talent d'analyse sur des événements du jour. Xavier Tarbes se défendit. Sa logique le servit trop bien, car rien n'est brutal comme la logique et beaucoup de douceur et de souplesse étaient nécessaires en l'occasion. Le ministre eut le dessous dans la discussion et prononça le mot de révocation. Tarbes, peu endurant, riposta par celui de démission, et une semaine après, un nouveau professeur montait dans la chaire de philosophie du lycée Condorcet. Le même jour, un financier connu se rendait chez M. Tarbes. Son château à Chantilly venait d'être cambriolé. Des souvenirs qui lui étaient chers avaient disparu, et les magistrats ne découvraient aucun indice pouvant les mettre sur la trace du coupable. Le propriétaire avait songé à l'extraordinaire pénétration de M. Tarbes venait de faire preuve. Il voulait le consulter. Le psychologue, captivé comme il l'était par tous les problèmes qui ont pour facteur les passions humaines, questionna, réfléchit et du fond de son cabinet, sans s'être levé de son fauteuil, désigna le coupable. Celui-ci, arrêté, avouait. Aussitôt la presse entière portait au nu M. Tarbes et le financier le forçait d'accepter un chèque d'un chiffre respectable. Trois autres années s'écoulèrent. Un nouvel ouvrage et de nombreux articles valaient à Xavier Tarbes d'être considéré par les penseurs de tous les pays comme un des esprits les plus remarquables de notre époque. Et entre-temps, passant de la théorie à la pratique, il débrouillait plusieurs affaires judiciaires qui achevaient de populariser son nom. Ce grand bonhomme gauche, mal habillé, vivant en petit bourgeois dans une vieille maison de la rue de Vaugirard, était un des personnages dont s'occupaient le plus et les intellectuels et la foule, double célébrité extrêmement rare et qui le laissait d'ailleurs tout à fait indifférent. Chapitre 7e. Le transport de justice. Le taximètre automobile bleu dans lequel avait pris place M. Tarbes s'arrêta devant la villa Le Tellier en même temps qu'un taximètre automobile rouge. De ce dernier sortirent quatre des fonctionnaires chargés de l'enquête, le médecin légiste, le chef de la sûreté, le juge d'instruction Varin, petit vieux à la figure grasse, boursouflé et pâle comme un beignet mal cuit, et le substitut des Antelles, élégant et joli garçon, rappelant les personnages des gravures de mode. Ces messieurs étaient allés déjeuner rapidement au bois de Boulogne. Xavier Tarbes souleva son chapeau et ils rendirent le salut avec une politesse affectée, les lèvres pincées. Trois gardiens de la paix étaient en faction devant la grille pour écarter les curieux. Dans le jardin, à gauche, un agent en bourgeois montait la garde près du massif de rhododendron, d'où sortaient deux pieds chaussés de pantoufles bleues. À droite, devant la niche, se tenait le vétérinaire, gros, court, sanglé dans une redingote de maire de village, un inspecteur de la sûreté et une demi-douzaine de reporters. Le Saint-Bernard lapait de l'eau dans une terrine. « Messieurs, dit le vétérinaire au magistrat, cette bête n'est pas enragée. Elle vient de boire près d'un litre d'eau, et tout à l'heure elle a mangé plus d'un kilogramme de pain. » Les journalistes entourèrent Xavier Tarbes. L'intervention du psychologue, fâcheuse pour les magistrats, était pour eux la meilleure des aubaines. Elle décuplait l'intérêt de l'affaire. Carnet et crayon en main, empressés et bavards, ils s'efforcèrent d'arracher quelques mots au cher maître. Puis, ils mirent en joue leur détective et prirent des instantanés du grand homme avec son parapluie sous le bras. Une nouvelle voiture arrivait. Un monsieur entra avec un jeune homme porteur d'un appareil photographique. C'était le chef du service anthropométrique et l'un de ses aides. Le savant fonctionnaire serra les mains tendues et salua M. Tarbes et Raoul Le Tellier. « Impossible de venir plus tôt, » fit-il. « Ah, voici le chien. Où est la victime ?» On lui montra les deux pieds. Tout le monde se dirigea vers le massif. « Personne n'y a touché, » reprit-il en écartant les arbustes pour voir. « Pardon, monsieur, » dit Raoul Le Tellier. « Mon oncle a été transporté dans sa chambre. Ce sont ces messieurs et le commissaire de police qui l'ont fait remettre là. Tiens, à propos, où est-il le commissaire ?» Il a été obligé de partir pour instruire tout seul une autre affaire moins importante, dit le juge. Enfin, le corps est bien dans l'état où vous l'avez trouvé. Vous ne lui avez, par exemple, fait aucune toilette. Il est absolument resté tel quel. Et comme la terre, mouillée par les averses d'hier, ajouta le chef de la sûreté, avait gardé son empreinte, nous avons pu le remettre exactement à la place et dans la position qu'il occupait. M. Tarbes écoutait et regardait sans souffler mot. Les reporters ne le perdaient pas de vue. « Photographiez d'abord le massif, » dit le chef du service anthropométrique à son aide, « puis qu'on me déracine tout cela pour prendre des vues du corps. »« Antoine va le faire, » dit Raoul Le Tellier, « c'est lui qui sert de jardinier. » Le jeune homme entra dans la villa et reparut bientôt avec son domestique. Antoine Courcial approchait de la quarantaine. Son gilet jaune à raies noires moulait un torse vigoureux. Sa figure toute ronde et très rouge, avec deux minuscules yeux bleus, avait un air à la fois de finesse et de placidité. Il alla prendre une bêche sous un petit hangar et attaqua les rhododendrons que l'employé du service anthropométrique venait de photographier. Chapitre 8e. L'heure à déterminer. Et maintenant, fit le juge, que disons-nous? Nous sommes assez embarrassés, continua-t-il en s'adressant à l'anthropologiste. Le savant fonctionnaire apprit du magistrat ce que Xavier Tarbes savait par Raoul Le Tellier. Il écarquilla les yeux et hocha la tête. M. Varin se tourna vers M. Tarbes avec un vague air de lui demander aussi son avis. Le psychologue ébaucha un geste indécis. Antoine Courcial, dit enfin le chef du service anthropométrique en baissant la voix, est parti à 8 heures. Et vous êtes bien sûr que le chien n'a point été lâché avant 10 heures? Raoul Le Tellier prit la parole. La niche, la chaîne et le collier ne peuvent être séparés que si l'on brise l'un des trois. C'est en ouvrant le dernier qu'on met Négro en liberté, et il est fermé, je le répète, par un cadenas à secret dont la combinaison est connue de moi seul. « Pourquoi cette précaution d'un tel cadenas ?» demanda l'anthropologiste. « Ce n'est pas une précaution, » répondit Raoul Le Tellier. « Jusqu'à ces derniers jours, c'était un cadenas ordinaire qu'on se servait. Mais avant-hier, je l'ai faussé en l'ouvrant maladroitement, et le lendemain, nous l'avons remplacé par celui-ci que j'avais depuis longtemps et dont on ne faisait rien. » Il y a donc 24 heures seulement que Négro l'a au cou, et ni mon oncle ni Courcial n'en connaissaient encore le secret, d'ailleurs impossible à deviner. Par conséquent, dit le chef de la sûreté à l'anthropologiste, ce doit être après 10 heures que le chien a étranglé son maître. car il n'aurait guère pu y arriver, étant enchaîné. N'aurait-il vraiment pas pu ? Fit le juge. Supposons qu'il l'ait pu, dit l'anthropologiste, et tâchons de reconstituer cette scène hypothétique. Plaçons le corps à l'entrée de la niche. Nous verrons bien si le chien, étant enchaîné, peut mordre comme il l'a fait. Qu'on aille me chercher du chloroforme. Le médecin légiste griffonna sur une feuille de son carnet une ordonnance qu'il tendit à un agent. Celui-ci, en sortant, croisa une sorte de géant qui arrivait à grandes enjambées précipitées. C'était le greffier du juge d'instruction. Il s'était attardé au restaurant et se hâtait, essoufflé et tout en nage. Il fit, à la porte du jardin, deux ou trois courbettes, puis, à pas de loup, se glissa derrière Varin et des Antelles. Là, il se tint quoi, retenant la respiration haletante qui soulevait sa large poitrine. Le pauvre diable était de ceux chez qui une taille et une carrure athlétiques font mieux ressortir l'humilité des fonctions. Il semblait honteux de voir les magistrats arriver juste à son épaule. À force de baisser la tête et de se plier pour saluer et se faire plus petit, son dos s'était arrondi, et son cou dévié en avant, ce qui lui donnait un air bestial. Chapitre 9e. Le chien chloroformé. Cependant, l'agent revenait avec le chloroforme, et bientôt Négro s'endormait entre les bras du vétérinaire. Le corps de l'hôtelier fut transporté devant le chien et la reconstitution du drame commença. Le photographe du service anthropométrique prit une douzaine de clichés, tous à faire frissonner le jury. Il démontrait pertinemment que Négro étant attaché dans la niche, ses mâchoires ne s'adaptaient pas à la morsure. L'animal fut ensuite détaché, et sa gueule put alors être placée de telle façon que les dents s'incrustaient avec précision dans les trous de la plaie. Deux crocs, l'un ébréché et l'autre poussé de travers, correspondaient exactement aux marques spéciales laissées par eux. La position du chien par rapport à l'homme, quand il avait étranglé, se trouvait mathématiquement déterminée, et c'est seulement détaché qu'il pouvait l'avoir prise. Or, il est certain qu'on ne l'avait pas détaché avant 10 heures. Donc, le tellier était mort après 10 heures. « Voilà toujours un point fixé, » constata M. Barin, tandis qu'on rattachait la bête, dont les yeux commençaient à se rouvrir. « Étant donné, » dit M. Desantel, « que le voleur a plus que probablement voulu profiter de la mort du propriétaire de la villa, nous devons admettre que le vol a été commis à partir de 10 heures. » « Par quelqu'un connaissant la cachette de l'hôtelier, » ajouta le juge, « ne l'oublions pas. » Ces messieurs étaient assez loin du domestique pour qu'il ne pût entendre. « Nous sommes ainsi amenés à supposer, » reprit le substitut, « qu'Antoine Courcial, ou n'avait point quitté la villa, ou y était revenu. Dans quelle intention ?» fit M. Tarbes. Ces trois mots étaient les premiers prononcés par le psychologue depuis son arrivée. Tous les yeux se fixèrent sur lui. Mais il avait déjà, et pour longtemps, fini de parler, et son visage austère de professeur restait impénétrable. Il ne regardait personne. C'était évidemment à lui-même qu'il avait posé sa question. « Monsieur le chef de la sûreté, » dit le juge après un silence, « veuillez faire vérifier si Courcial est, comme il le prétend, resté à Courbevoie depuis hier soir 8 heures jusqu'à ce matin. » « Et si c'était ce matin que le chien eût étranglé son maître et que... » commença le substitut. « Quand le corps a été découvert à 6h30, » interrompit le juge, « il était glacé. La mort remontait donc à plusieurs heures. » L'inspecteur principal et l'agent furent dépêchés à Courbevoie. Chapitre 10e. L'alibi. Courcial avait très adroitement enlevé, sans les abîmer, les rhododendrons du massif. La victime fut replacée sur l'empreinte qu'elle avait laissée dans la terre mouillée, et l'aide de l'anthropologiste prit une série de vues. Puis, le savant fonctionnaire, n'ayant plus rien à faire là, partit avec son photographe. Le médecin légiste prit rendez-vous avec les magistrats pour l'autopsie, qui fut fixée au lendemain matin, et il se retira ainsi que le vétérinaire. Raoul Letellier et Courcial transportèrent le défunt dans sa chambre et s'occupèrent à disposer convenablement celle-ci. Il ne resta plus au jardin que le chef de la sûreté, les magistrats et les journalistes installés dans des fauteuils de jonc. Xavier Tarbes, assis à l'écart sur une chaise, et le greffier, qui n'ayant pas trouvé de siège, paraissait ne savoir que faire de son grand corps. Soudain, le logicien se leva avec brusquerie et fit quelques pas. Les journalistes se levèrent aussi et s'empressèrent de le rejoindre. M. Tarbes s'arrêta net et ne bougea plus. Une lueur naissait dans ses yeux qui semblait voir quelque chose très loin. Puis il baissa la tête, se mit à marcher quelques minutes de long en large et finit par disparaître dans la villa après avoir fait au reporter un geste discret priant qu'on ne le suivît pas. Il ressortit bientôt, juste comme revenaient l'inspecteur et l'agent chargé de contrôler l'alibi. Celui-ci était prouvé et archi-prouvé. 10 personnes honorables certifiaient que Courcial n'avait pas quitté Courbevoie du 21 mai, 8h du soir, au 22 mai, 7h du matin. Le chef de la sûreté frappa du pied, le substitut frisa nerveusement sa fine moustache et une grimace rida la figure boursouflée du juge. Alors, il y eut une émotion générale. M. Tarve, tout à coup, paraissait inspiré. Sa figure s'animait, rayonnait d'intelligence. Une clarté vive était au fond des yeux qui semblait voir dans ces ténèbres de plus en plus épaisses où reporters, magistrats et policiers avaient l'air hésitants d'aveugles perdus. « Monsieur le professeur, cher maître, eh bien !» crièrent à la fois tous les journalistes. Les fonctionnaires, un peu pâles, ne purent faire moins que d'appuyer d'un regard la question. Mais les yeux gris s'étaient éteints, les traits du philosophe avaient repris leur rigidité. On le connaissait trop pour insister. Il avait évidemment quelque hypothèse en tête. Seulement, il ne dirait rien avant de l'avoir changé en une certitude absolue. Chapitre 11e. Négro veut dévorer M. Tarve. Le juge d'instruction, essayant de se dominer, prit la parole. Et si ceux à qui était acheté le Saint-Bernard avaient, par quelque machination, attiré la nuit dans son jardin M. Letellier? S'ils avaient excité leur chien contre lui? Négro aimait, paraît-il, le père Letellier et ne lui préférait ici que son neveu. Mais il pouvait aussi lui préférer ses premiers maîtres. Ils auraient donc connu la cachette de l'armoire? Quoi d'extraordinaire à ce que Courcial ou Raoul Letellier, sinon le vieillard lui-même, en ait parlé? Pourquoi ce petit secret n'aurait-il pas, une fois ou l'autre, échappé à l'un d'eux? C'est une série de suppositions, dit le chef de la sûreté. Les seules possibles, reprit M. Barin. Sans elles, il ne reste qu'à nier la mort de Letellier et le vol. À moins d'admettre que... Le magistrat n'acheva point. Négro a été vendu par les époux Brunel, qui demeurent tout près d'ici, rue Chevaux 75, dit le chef de la sûreté. Je n'ai qu'à faire prendre des renseignements sur eux. Vous avez entendu? Continua-t-il en s'adressant à l'inspecteur principal. Allez vite, prenez l'auto. L'inspecteur partit. On continua à discuter l'hypothèse du juge. Les données de l'affaire furent de nouveau soumises à la critique la plus minutieuse. Les journalistes eux-mêmes dirent leurs mots. Seuls Xavier Tarve et le grand greffier gardaient le silence. À un moment donné, M. Tarve alla vers la niche et y plongea sa main, comme pour voir si le chien était complètement réveillé. Un rugissement de fauve éclata. Le professeur sauta en arrière, et le Saint-Bernard surgit, la gueule ouverte, tirant de toutes ses forces sur sa chaîne avec un râle de fureur. On accourait. « Il n'est pas commode !» dit tranquillement M. Tarbes en ramassant son parapluie qu'il avait laissé tomber. « Raoul Letellier, dit le chef de la sûreté, prétend que dans le jour, il n'y a pas d'animal plus doux. Et le vétérinaire ne voit aucun symptôme de rage, dit le substitut. La porte de la grille du jardin claquait, l'inspecteur était de retour. Déjà, fit son chef. Chapitre 12e. La consigne de l'agent. Le policier débita d'un trait les détails qu'il avait recueillis. Les époux Brunel se sont retirés, il y a 2 mois, dans le Jura, à Courlance. Le mari était employé à la mairie de Neuilly. Ils habitaient tout seuls un petit pavillon. Leur propriétaire, qui loge dans le pavillon voisin, les connaissait bien et m'a donné sur eux les meilleurs renseignements. C'est lui-même qui leur avait fait cadeau de Négro, un petit de sa chienne. Et l'animal, affirme-t-il, ne connaissait qu'eux. L'hypothèse imaginée en désespoir de cause par M. Varin s'évanouissait. Le juge resta les sourcils froncés, puis se pencha à l'oreille du chef de la sûreté, qui chuchota quelque chose à l'agent, lequel hocha énergiquement la tête. « Je crois qu'en voilà assez pour aujourd'hui, » continua tout haut M. Varin. « Oui, oui, assez, » répétèrent plusieurs voix. Le mot « mystère » est souvent associé à celui d'irritant. Il n'est pas d'expression plus juste. C'était une vraie colère qui gagnait tout le monde. La curiosité, exaspérée, devenait douloureuse. « À demain !» ajouta le chef de la sûreté. « C'est cela, à demain !» répétèrent les mêmes voix. L'irritation se mêlait de fatigue. On commençait à éprouver le besoin de penser à autre chose. Raoul Letellier, de la fenêtre de la chambre où il était près du corps de son oncle, dit qu'on s'empressait du côté de la porte. Il descendit. « Vous partez, messieurs ? Vous aussi, monsieur Tarve ?»« Oui, monsieur, moi aussi. » « Nous reviendrons demain matin à 9h, » dit le juge. « Moi aussi, » répéta Xavier Tarve. Les cochers, les chauffeurs se réveillaient ou pliaient leurs journaux, les automobiles se mettaient à ronfler. « Ayez l'œil !» recommanda le chef de la sûreté à l'agent. Celui-ci traversa le boulevard et s'installa à une table, sous une tonnelle, dans un débit de vin. « L'œil à quoi ?» questionna le substitut en montant en voiture. « À ne pas laisser filer Raoul Letellier, » répondit le juge. Raoul Letellier, qui adorait son oncle, qui menait une vie exemplaire, qui, trouvant que l'enquête ne marchait pas assez vite, a été chercher cet animal de Tarbes. Raoul Letellier, qui était là de 10 heures du soir à ce matin, pouvait attirer son oncle au jardin, pouvait exciter le chien contre lui, et qui connaissait la cachette de l'armoire. Chapitre 13e. À l'Institut Pasteur. Monsieur Tarbes resta seul devant la villa. Il attendait modestement le tramway. La lourde, bruyante et malodorante machine qui fait le service de la Madeleine à l'île de la Grande Jatte arriva en cornant. Le professeur monta, alla s'asseoir au fond, pour n'être pas dérangé, et continua à penser, insensible au chaos du véhicule, aux secousses des départs et des arrêts trop brusques qui lui faisaient perdre l'équilibre. Il traversa Neuilly et la moitié de Paris sans les voir, et eut l'air de s'éveiller quand le conducteur cria « On descend !» On était à la Madeleine. Il n'y avait plus que lui dans le tramway. Le psychologue n'eut que quelques pas à faire pour prendre l'autobus gare des Batignolles, gare Montparnasse. Seulement, en arrivant aux Batignolles, il s'aperçut qu'il s'était trompé de direction et il se rembarqua immédiatement pour le côté opposé. Une demi-heure après, il suivait le boulevard de Vaugirard, gagnait le boulevard Pasteur, tournait rue du Tau et atteignait une grille ombragée de marronniers à fleurs roses. Il entra. Dans un petit parc s'élevait un édifice qui, par devant, avait l'air de quelque bel hôtel particulier, mais que prolongeaient, derrière, d'autres constructions d'aspect officiel. C'était l'Institut Pasteur. Le philosophe pénétra dans le vaste bâtiment, monta un escalier, suivit au second étage un long couloir, et ouvrit une porte sur laquelle était clouée cette carte de visite, « Docteur Pierre et Ita Aubertin ». Une double exclamation joyeuse retentit. Un grand jeune homme, à la figure en lame de couteau, qu'allongeait une barbe noire, et une jeune femme, peu jolie, de mine fatiguée, s'avançait vers M. Tarbes. « Bonjour, mes enfants, » dit le professeur. « Voilà 2 semaines que vous n'étiez passé à l'Institut. Je corrigeais les épreuves de la psychologie des foules et le théâtre. Nous devions aller chez vous demain soir. » M. Tarbes regardait autour de lui. La pièce était pareille à celle que l'Institut Pasteur met à la disposition des savants français ou étrangers désireux de faire des recherches microbiologiques. Elle avait son étuve, ses placards pleins de boîtes de verre stérilisées et enveloppées de papier, de tubes de verre bouchés avec du coton, ses tables chargées de livres, d'instruments et de bocaux, où grouillaient des souris blanches, des paniers de lapins et de cobayes. Chapitre 14e. La première pincée de poils. « Vous cherchez quelque chose ?» fit Pierre Aubertin. « Votre microscope ?»« Le voici. Vous en avez besoin ?»« Oui. »« Quel grossissement vous faut-il ?»« Un très faible. »« 100. »« Ce cela. » Ita Aubertin débarrassait M. Tarbes de son parapluie et de sa haute forme. « Mes enfants, » dit le psychologue, « je ne veux pas vous empêcher de travailler. » Il s'asseyait devant le microscope. « Nous allons donner la maladie du sommeil à un lapin, » dit Pierre Aubertin. « Faites donc, » reprit poliment M. Tarbes. Le jeune homme prit une pipette Pasteur, long tube de verre dont il venait d'effiler le bout à la flamme d'un chalumeau, en brisa la pointe et s'approcha d'Ita. La doctoresse se retirait d'un bocal une souris blanche et coupait avec des ciseaux le bout de sa queue rose. Une gouttelette de sang perlait et était aspirée, par capillarité, dans les 3 canaux de la pipette. Xavier Tarbes, lui, déboutonnait sa redingote. Il fouilla dans la poche droite de son gilet et en tira une pincée de poils noirs pareille à ceux sur lesquels se crispaient les doigts du père Letellier. Il les plaça sur une lamelle de verre, qu'il glissa sous l'objectif et mit l'instrument au point. Ce n'était pas la première fois que le professeur maniait un microscope. Les recherches de ses jeunes amis, les Aubertin, lui étaient familières. Il y avait quelquefois pris part, comme il avait souvent travaillé avec son autre intime, le vieil astronome Antoine Renaud à l'observatoire. D'une façon générale, rien de ce qui touchait aux diverses sciences et à leurs méthodes ne lui était complètement étranger. Son esprit, ainsi que celui des Spencer, des Taine, était encyclopédique. Chapitre 15e. La deuxième pincée de poils. Il y eut de petits cris aigus. Madame Aubertin incisait légèrement la peau du ventre d'un gros lapin. Le docteur introduisit dans la fente la pointe de sa pipette et souffla à l'autre extrémité de celle-ci. La goutte de sang, avec les microbes en forme de serpent qui se tortillaient entre ses globules, disparut. C'était fini. Le lapin avait cette maladie du sommeil dont mourait la souris. Monsieur Tarve se redressa. Le pouce et l'index qui avaient été chercher les poils dans la poche droite de son gilet disparurent cette fois dans la gauche pour en extraire une pincée pareille à la première. Il la plaça près de celle-ci, sous l'objectif, et se remit à l'oculaire. « Ah » fit-il, et il se leva. D'un souffle, il balaya la lamelle de verre et les poils noirs voltigèrent. Ita et Pierre enfermaient le lapin dans une cage spéciale. « Question d'histoire naturelle ?» demanda laconiquement le docteur en jetant un coup d'œil au microscope. « Non, affaire criminelle. Curieuse ?» demanda la jeune femme. « Assez. Vous l'avez débrouillée ?»« À peu près. Alors vous nous la raconterez demain soir ?»« Oui, à demain soir donc, mes chers enfants. Mais arrivez pour dîner. »« Nous tâcherons, » dit la doctoresse. Le jeune ménage sortit du laboratoire avec Xavier Tarbes. À l'escalier, Madame Aubertin laissa les deux hommes. Il fallait monter au troisième étage, sous les combles, d'où venait une forte odeur de fauve due aux milliers de rails de souris en observation là-haut. Pierre et le psychologue descendirent au premier. Le docteur s'arrêta pour donner un coup d'œil à la machine à broyer les microbes. Puis, ils gagnèrent le rez-de-chaussée et la porte qui donne sur la partie du parc transformée en square. Derrière la verdure, une tempête d'aboiements s'élevait. Quelqu'un pénétrait, sans doute, dans le chenil. « J'aurais aimé passer ma vie ici, » dit Xavier Tarbes, « ici ou à l'observatoire. » Il se tut, puis ajouta, « Bon, un monde comme le soleil, 1300 000 fois plus gros que notre Terre, qu'est-il dans l'univers? Moins qu'une molécule d'eau dans l'océan. Et un de ces bacilles de la tuberculose, dans le fond d'une éprouvette, contient des milliards. Qu'est-il? Un monde d'atomes. L'homme, dont j'ai fait mon étude spéciale, est lui aussi infiniment petit et infiniment grand. Il est, autant qu'un astre, intéressant par son énormité, et autant qu'un microbe, intéressant par son exiguïté. Et toute chose matérielle est dans ce cas. Je dis là des banalités, mais des banalités qu'on n'a pas assez souvent présentes à l'esprit. » Les deux hommes se serrèrent la main. Aubertin partit chercher un cochon d'Inde au pavillon de la peste. Xavier Tarve sortit de l'institut et alla vers le boulevard où la foule insouciante s'agitait autour des manèges à vapeur, des montagnes russes et des toboggans. Chapitre 16e. Au bras de Courcial. Le lendemain matin à 9 h, le psychologue descendait de tramway boulevard Binot. Presque en même temps, arrivaient le chef de la sûreté et ses hommes, les magistrats, le greffier géant et les reporters. L'agent de police chargé de la surveillance de Raoul Letellier, et qui avait passé la nuit à faire les 100 pas devant la villa, se joignit à eux pour entrer. Le jeune maître de maison, suivi de Courcial, vint à la rencontre de ces messieurs qui le saluèrent, puis se répandirent dans le jardin. Les dentelles, toujours chic, monocle à l'œil, se planta devant la niche du Saint-Bernard et contempla l'animal. Barin, que son greffier suivait pas à pas comme une ombre démesurée, s'arrêta près du massif de rhododendron. La bouffissure de son visage blême se contractait sous l'effort de la pensée. À chaque instant, il louchait du côté de Raoul Letellier. Le chef de la sûreté allait à droite et à gauche. Monsieur Tarbes, planté au milieu d'une allée, considérait distraitement de petits cailloux qu'il poussait du bout de son parapluie. Les journalistes, craignant de le troubler, se tenaient à quelque distance sans cesser de l'observer. « Je désire visiter la villa, » dit tout à coup le professeur. Les journalistes se rapprochèrent vivement. « Je suis à vos ordres, monsieur, » dit Raoul Letellier en s'avançant. Mais Xavier Tarbes, sans regarder le jeune homme, allait à Courcial. « Donnez-moi votre bras, » dit-il au domestique. Celui-ci obéit et dit respectueusement, « Monsieur est fatigué. » Xavier Tarbes ne répondit point. Il se dirigea vers le perron. Raoul Letellier et les journalistes emboîtèrent le pas aux deux hommes. Le chef de la sûreté, l'inspecteur principal, un sous-brigadier venu avec eux, et l'agent, se doutaient que M. Tarbes en savait déjà long. Ils se hâtèrent de son côté. Barin et Desentelles, l'air indifférent, suivirent d'un peu loin, en affectant de s'arrêter pour examiner une chose ou l'autre. Chapitre 17e. De pièce en pièce. Commençons par la cuisine, dit le psychologue. On descendit dans le sous-sol. De la cuisine, on passa à la buanderie transformée en un petit atelier de menuiserie et de serrurerie. Un nouvel escalier conduisit à la cave. Puis on regagna le vestibule. Successivement s'ouvrirent un salon de campagne, aux meubles garnis de housses grises, et une salle à manger où s'épanouissait, en multiples branches de cuivre, une magnifique suspension hollandaise. Le psychologue, toujours au bras de Courcial, faisait le tour de chaque pièce, ouvrant un placard, déplaçant un fauteuil, touchant à tout. Les outils de l'atelier lui avaient noirci les mains. On entra dans le fumoir. Des panoplies d'armes exotiques décoraient les boiseries blanches. Les sièges étaient en rotin. De chaque côté de la porte, un griffon de porcelaine verte montait la garde et en face, à l'autre bout de la pièce, se dressait un bahut breton. M. Tarve, sans lâcher Courcial, alla d'une chaise longue couverte de petits coussins au bahut. Puis, il s'approcha des griffons. Il revint ensuite aux meubles bretons et parut s'intéresser à ses sculptures. Enfin, il dégagea son bras de celui de Courcial et dit tranquillement au chef de la sûreté en montrant le domestique « Voici le coupable ». Il y eut une forte, mais courte rumeur, et le plus profond silence régna. Courcial était devenu livide. Il fit claquer sa langue. Sa bouche sèche n'arrivait pas à articuler un mot. Enfin, il prononça péniblement « Moi ?» Chapitre 18e. Les tenailles géantes. Xavier Tarbes, tourné vers le domestique, débita froidement, avec la sécheresse d'un mathématicien qui fait une démonstration au tableau noir. « Vous vouliez l'argent de l'armoire. Mais elle a une serrure de sûreté incrochetable et dont on ne peut prendre l'empreinte, et sa clé était toujours dans la poche ou sous les yeux du vieux letellier. Il fallait donc tuer celui-ci. Et les soupçons devant se porter sur vous, qui connaissiez la cachette, il fallait que le meurtre parût commis en votre absence. Il y a 10 jours, le 11 mai, vous êtes allé à Paris, rue du 4 septembre, acheter de cette cire spéciale, appelée stent, avec laquelle les dentistes prennent des empreintes de mâchoire pour fabriquer les râteliers. Vous avez pris l'empreinte de la mâchoire de Négro. Votre adresse est aussi grande que votre ingéniosité. Il vous a été facile de couler dans ce moule du plomb additionné, sans doute, pour le durcir, d'antimoine ou de quelques millièmes d'arsenic. Vous avez obtenu de la sorte une mâchoire en métal identique à la mâchoire du chien. Vous l'avez alors ajustée à de longues et fortes pinces du genre de celles qui servent à saisir les renards et les blaireaux dans leur terrier. Ces pinces laissaient ainsi exactement les mêmes traces que la gueule du Saint-Bernard. Votre arme était prête. Vous n'aviez plus désormais qu'à attendre l'occasion de vous en servir. Avant-hier, 21 mai, à 7 heures du soir, Raoul Letellier est allé à Paris, d'où il ne devait rentrer qu'assez tard. Le jeune homme n'était pas sorti de Neuilly que son oncle râlait probablement déjà sous la morsure des dents de métal. Vous avez caché l'instrument du crime sur ce bahut. Vous vous êtes emparé de la clé de l'armoire. Vous avez fait main basse sur l'argent. Vous avez remis la clé dans la poche de votre victime. Vous avez pris le corps de celle-ci et sortant par derrière, puis longeant le mur du jardin, afin de n'être pas vu du boulevard, vous l'avez porté dans le massif de rhododendron. Vous avez placé entre ses doigts des poils de négro. Et vous êtes parti à 8 heures, comme d'habitude. Chapitre 19e. Les calculs du criminel. Vous calculiez que Raoul, en rentrant, détacherait le chien et que le lendemain on accuserait celui-ci d'avoir étranglé son maître, descendu la nuit au jardin pour un motif ignoré. Cette promenade nocturne, cette agression, ainsi que le vol consécutif, seraient des énigmes entre lesquelles errerait indéfiniment la justice. Il vous suffisait, primo, de regagner au plus vite Courbevoie et d'y rester jusqu'au matin en compagnie de personnes qui certifieraient votre alibi. Secondo, de dire, le lendemain, que Letellier n'avait pas voulu dîner. Sans quoi, en présence de son estomac vide, les médecins légistes à l'autopsie déclaraient qu'il avait succombé avant le repas du soir, peu après 7 heures, alors que vous étiez encore là. Et d'autre part, vous n'aviez pas pu attendre pour le tuer, qu'il eût mangé, car l'état des aliments aurait permis de déterminer le moment approximatif de la mort. « Est-ce bien cela ?» Le domestique ne répondit point, ses dents claquaient. Le chef de la sûreté fit un signe. En un clin d'œil, l'agent tira de sa poche un cabriolet et l'entoura autour du poignet de Courcial. « Prenez ce qu'il a dessus, » dit M. Tarbes au sous-brigadier, en montrant le bahut. Le policier attira une chaise, y monta et étendit son bras sur le meuble breton. Courcial tomba à genoux. Le sous-brigadier ramenait de gigantesques tenailles aux morts hérissées de crocs. Chapitre 20e. Les raisonnements du fameux logicien. Le soir, M. Tarbes, en pantoufles et enfoncé dans son fauteuil Voltaire, causait avec les Aubertins et l'astronome Antonin Renaud. Le professeur avait transformé en cabinet de travail le salon dont les deux fenêtres donnaient sur la rue de Vaugirard, et c'était là qu'il recevait ses amis, après dîner, en buvant du tilleul. Ita et Pierre Aubertin étaient assis, suivant leur habitude, tout près l'un de l'autre, sur un affreux petit canapé jaune. Plus loin, Le vieil Antonin Renaud, tassé par l'âge, sa grosse tête aux longs cheveux gris enfoncés entre les épaules, soufflait au fond d'une bergère. Le maître de la maison achevait le récit de sa matinée, non pour le docteur et sa femme, qui en connaissaient les moindres détails par les feuilles du soir, mais pour Antonin Renaud, qui ne lisait jamais de journal. Raoul Le Tellier m'offrait sa fortune entière, disait en finissant M. Tarbes. Entre nous, il me doit une fameuse chandelle, car le juge d'instruction n'était, je crois, pas loin de le faire arrêter. Je lui expliquai que je n'acceptais jamais rien, sauf dans les affaires de vol, et d'une façon générale, quand mon intervention avait quelque heureux effet pécuniaire pour la personne qui s'était adressée à moi. « Mais, demanda Ita, comment avez-vous deviné le crime ?» Tandis que nous attendions l'inspecteur principal et l'agent en train de vérifier l'alibi de Courcial, poursuivit M. Tarbes, une remarque me vint à l'esprit. Il n'y avait sur le vieillard aucune trace de patte de chien, et cependant le sol était mouillé. Le Saint-Bernard, en terrassant sa victime, aurait dû l'attacher debout. Une hypothèse m'était ainsi suggérée. Négro n'avait peut-être pas étranglé Le Tellier. Mais une déduction s'imposait en ce cas. Si Négro n'avait pas étranglé Le Tellier, celui-ci n'avait pas arraché au chien les poils trouvés dans ses mains. J'allai au salon, où le greffier avait déposé ses poils avec d'autres pièces à conviction, et un examen attentif me permit de croire qu'ils avaient été coupés plutôt qu'arrachés. J'en pris quelques-uns et peu après, j'en arrachai une touffe d'autres à la pauvre bête qui poussa des hurlements furieux auxquels personne ne comprit rien. Au microscope, je vis que les premiers présentaient une section nette, faite avec une lame tranchante, et que les seconds, ou présentaient une section irrégulière, ou même avaient encore le bulbe par lequel ils sont fixés dans la peau. Mon hypothèse était confirmée, Négro n'avait pas étranglé Le Tellier. La blessure était pourtant exactement celle qu'aurait faite la gueule de ce chien. Il fallait donc qu'elle provînt d'une chose identique à cette gueule, et cette chose ne pouvait être qu'un moulage de la dite gueule. Parfait, fit Aubertin. Chapitre 21e. La théorie des mouvements inconscients. J'en étais là, de mes raisonnements, en sortant de l'Institut Pasteur, continua M. Tarbes. J'allais me documenter auprès de mon dentiste. Il m'apprit que le moulage des mâchoires se fait avec un mélange de cire et de gutta, produit anglais, fabriqué à Londres, par la maison H, qui a un dépôt à Paris, rue du 4 septembre. Le criminel pouvait avoir eu ses renseignements par son dentiste à lui, et ce criminel devait être Courcial. Un étranger ne se serait pas risqué à prendre l'empreinte de la mâchoire d'un chien de garde. Je me rendis rue du 4 septembre et donnai le signalement du domestique. Celui-ci était venu le 11 mai. Il était facile de déterminer les détails de l'arme imaginée et fabriquée par le misérable. Restait à mettre la main sur elle. Courcial, faute de temps, n'avait pu la détruire. Il ne l'avait pas non plus emportée. Un paquet eût été suspect. Puis, ce paquet, qu'en faire? On pouvait perquisitionner chez lui. Le jeter? Comment? Sans être vu et où? Pour qu'on ne le trouve à point. Il avait été forcé de la cacher sur place en attendant qu'il pût la supprimer, plus tard, avec l'aide de la forge et du marteau. C'était donc dans la villa qu'il fallait chercher. Xavier Tarbes but une gorgée de tilleul, puis il reprit. « Connaissez-vous la théorie des mouvements inconscients ?»« Non. » »« J'entends ici par mouvement inconscient certains petits gestes que nous faisons sans nous en douter. Ils expliquent très simplement des choses au premier abord surnaturelles. On voit souvent, par exemple, un prestidigitateur prier n'importe qui, le premier venu, de penser à un objet quelconque se trouvant dans la salle. Le sorcier en habit noir prend ensuite la main de son collaborateur improvisé et marche droit à l'objet. Il ne réussit le plus souvent à le trouver que parce qu'il a été guidé par les légers frémissements, les secousses presque imperceptibles de cette main que tout le monde et son propriétaire lui-même croient immobile. La plupart des prétendus liseurs de pensée n'ont pas d'autre truc. Et c'est celui que j'ai employé. Courcial, dont j'ai pris le bras, m'a conduit à sa cachette. Chapitre 22e. Application de la psychologie scientifique aux affaires criminelles. Il vous a en quelque sorte tiré vers le bahut breton, dit Ita. Il ne m'a point tiré vers lui, mais au contraire loin de lui. Pendant la visite des premières pièces, son bras ne bougeait pas. À notre entrée dans le fumoir, j'ai senti contre mon coude une soudaine contraction des muscles. J'étais d'un meuble à l'autre. Chaque fois que nous approchions du bahut breton, de faibles et rapides pressions, à peine sensibles, s'exerçaient sur mon bras comme pour me retenir. De plus, une chaise, celle même dont s'est servi le sous-brigadier de la sûreté, avait son siège taché de boue. Courcial était évidemment monté dessus. Il avait bien pensé à la remettre à sa place, mais non à l'essuyer. J'étais fixé. Je n'ai donc fait qu'appliquer cette théorie des mouvements inconscients formulée dès 1654 par le célèbre père jésuite Athanase Kircher, reprise, juste deux siècles après, en 1854, par Chevreul, dans un opuscule ayant pour titre « De la baguette divinatoire, du pendule dit explorateur et des tables tournantes » et enfin, admirablement mis au point en 1889 par Pierre Janet dans son automatisme psychologique. J'ai souvent appliqué ainsi directement la psychologie scientifique à l'instruction des affaires criminelles. C'est moi qui avais conseillé au juge Roidet la curieuse expérience rapportée dans le coffre-fort vivant. « Qu'est-ce que c'est que le coffre-fort vivant ?» fit Antonin Renaud. « Monsieur Renaud, » dit Aubertin en riant, « je parie que vous ne savez seulement pas si nous sommes en République. »« Nous sommes en République. Depuis quand ?»« 1870 ?» hésita l'astronome. « Bravo !» Et combien de présidents de la République croyez-vous que nous ayons eu depuis 1870 ? Ah, vous me demandez des choses. Et si je vous demandais, moi, de combien l'équateur de Mars est incliné sur son orbite ? J'avoue que je l'ignore. Il est incliné de 25 degrés, dit Xavier Tarbe en achevant de boire son tilleul qu'il avait oublié de sucrer. Ainsi s'achève Monsieur Tarbe, le chien de garde, par Frédéric Mauzins.